La fleur au milieu du désert n'est pas la rose. Elle devra combattre l'enfer à peine éclose. La fleur au milieu du désert n'a pas grand-chose, et les amoureux lui préfèrent la fraîche rose. La fleur au milieu du désert, les lèvres closes, rêve qu'un jour dans l'univers, elle sera rose.